Si ça ne va pas fort aujourd'hui, dites-vous que vous auriez pu être Madame Bovary. Madame Bovary, c'est l'impossibilité de l'amour. Elle peut trouver un mari, bien sûr, un amant, évidemment, mais un amoureux, inutile d'y compter. Le malheur d'Emma se résume simplement. Elle vaut mille fois mieux que les hommes, que dis-je, que la société qui l'entoure. Sa vie est l'histoire d'une défaite. Comme l'a souligné Alan Bloom, dans Madame Bovary, les deux sentiments qui prédominent sont l'ennui et l'érotisme. La seule ambition d'Emma, sa raison de vivre, c'est de rencontrer le grand amour, un amour oblatif, un amour qui pourrait enfin lui permettre de s'oublier soi-même. Emma est une Don Quichotte de la passion perdue dans et par la littérature romantique. Elle cherchait à savoir, nous dit Flaubert, ce que l'on entendait au juste dans la vie par les mots de félicité, de passion et d'ivresse qui lui avaient paru si beaux dans les livres. Analphabète, Emma aurait été heureuse. Oui, mais voilà, Madame Bovary a trop lu Bernardin de Saint-Pierre, son Paul et Virginie, cette histoire d'amour pure, fraîche et introuvable dans la vie réelle. La vie, ça n'est pas du roman, et l'héroïne de Flaubert l'apprend à ses dépens. Madame Bovary est le symptôme de l'éducation des filles, car comme l'ont dit Montesquieu et Rousseau avant Flaubert, les femmes ne sont pas préparées à la vie moderne. Voilà pourquoi ce qui menace les femmes dans cette société-là, c'est de devenir malheureuses ou dépravées, ou bien malheureuses et dépravées. En fait, Emma Bovary rêve d'amour chevaleresque. Son Dulciné du Toboso, c'est un vieillard rencontré dans une soirée donnée par l'aristocratie locale, une soirée où elle côtoie les vestiges de l'ancien régime. Sans cesse, les yeux d'Emma revenaient d'eux-mêmes sur ce vieil homme à lèvres pendantes. Il avait vécu à la cour et couché dans le lit des reines. Car en fait, c'est le projet démocratique et moderne qui est impossible pour Flaubert. Et c'est pourquoi dans Madame Bovary, plus un homme est idiot, plus il est moderne. Aucun homme ne mérite Madame Bovary, son mari, mais un soin infini à ne pas la mériter. Quant à ses amants, ils sont pratiquement pires encore. Tu me l'as dit que tu m'aimais. Il aurait mieux valu me chasser. J'ai les mains chaudes de tes baisers. À genoux, tu m'as juré une éternité d'amour. Tu m'as traîné dans des rêves pendant 2 ans. Et ta lettre qui m'a déchiré le cœur. Et quand je viens vers lui, qui est riche, heureux, libre, pour implorer un secours que le premier venu rendrait, suppliante, lui rapportant toute ma tendresse, il me repousse parce que ça lui coûterait 3000 francs. En particulier Rodolphe, qui remplit ses discours de grands idéaux dans le but unique de remplir son lit. Il se croit infiniment supérieur aux provinciaux qui l'entourent et reste incapable de saisir la pureté de Madame Bovary. « Pourquoi déclamer contre les passions ?» explique Rodolphe. « Ne sont-elles pas la seule chose qui y est sur la terre, la source de l'héroïsme, de l'enthousiasme, de la poésie, de la musique, des arts, de tout enfin ?» Et Rodolphe, l'anti-bourgeois, ne vaut pas mieux que le bourgeois Charles Bovary. Et maintenant, bonne journée, puisque vous ne pouvez pas dire comme Flaubert « Madame Bovary, c'est moi ».